Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan, que tu ne connais pas, il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va, il a des milliers de cousins. Le gitan, il a couru les chemins, Sainte-Marie ou Guernica, pour venir dormir à Saint-Ouen. Le gitan, que tu ne connais pas, souvent je deviens, mon ciel c'est le sien, je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom. C'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons. Il a toujours l'air heureux, les chagrins lui il n'en veut pas, il les jette au milieu d'un feu. Le gitan, l'amitié n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il s'est coupé son cœur en deux. Le gitan, que tu ne connais pas. Il aurait dû être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, prendre une guitare, être musicien. Sa vie à lui, elle est dans ses coins. Souvent je deviens, mon ciel c'est le sien, je suis comme lui, j'ai plus de pays, j'ai plus de maison, je n'ai plus de nom, c'est toi qui as raison, il y a plein d'horizons. Il a un rire de voyou dans le fond des yeux, ses amis, il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup. Il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan, que tu ne connais pas, il a le cœur au bord des coups. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que je connais pour toi.